진짜 그런데. 와, 나 저게 되어 놔. 하나 살아. par mes connaissances de l'anatomie normale. C'est une fracture qui passe inaperçue. Pendant le mois, on reçoit des patients au stade de pseudarthrose, c'est-à-dire après ceux qui ont fait un mois, c'est une fracture de scapulite carpienne. C'est-à-dire, explique-moi ça. Très bien. Au niveau de l'eau, c'est là. Moi, on a précisé que ça se fait carpien. Pourquoi? Parce qu'il existe dans le corps humain le scaphoïde tarsien. Ok? Le terme fracture. Fracture, ça vient du mot latin, c'est pas du français. Égale solution. Scaphoïde. Où je mets un scaphoïde? C'est de l'arabe? C'est de français? Non. C'est latin. C'est du latin. C'est latin. Ouais. Qui? Ballon. Le petit ballon. Exactement. Scaphoïde. C'est-à-dire une barque avec son vague des rameaux. Scaphoïde qui ressemble à une barque. Regarde, c'est mieux l'os naviculaire qui ressemble à un navire. Carpien. Il y a combien d'os au niveau du carpien? C'est mieux le carpien. Donc, fracture du scaphoïde carpien, c'est une fracture d'un tout petit os qui s'intègre dans un complexe articulaire et un complexe osseux. On a parlé d'abord de l'idée qui peut parler de l'articulation du poignet, donc c'est un complexe articulaire. Il y a combien d'os au niveau du poignet? Avec des lunettes. Très bien. Donc il y a combien d'os au niveau de complexe articulaire du poignet? Je lui dis qu'il y a 14 os au niveau du poignet. Tout simplement, parce que le pubitus, où se peut, il n'est pas articulaire. Je maintiens la fracture en latin. Frangère, c'est-à-dire solution de continuité. Ok? Comme ça. l'astragale, qui s'annonce de la phase postérieure. Il ressemble à quoi ? Ça, l'astragale. L'astragale, t'as quoi ? Oui. L'astragale. Il tire son nom de quoi ? Il tire son nom de quoi ? L'astragalus. L'astragalus. Tu vois l'astragalus ? Ah, l'astragale. L'astragale égale astragalus. Le don comique, l'avant, il tire son nom de l'avant. Ok? Astragale, astragalus, scaphoïde, scaphé, etc. Donc, les huit os du carpe sont agencés dans deux rangées. La première rangée, il s'articule avec le radius. Moi, je viens. Très bien. Une façon de tourner le nez, de pouce, de l'extérieur, c'est de la position comme il en a. Là, c'est pas ça, c'est ça. Donc l'extérieur, bien, c'est quoi ? Scaphoïde. Semi-lunaire. Le pyramidal. Le pésiforme. La deuxième rangée, je suis là. On repose ce qu'on bien, je donne le dé. Tu vois, pour essayer ce bouton, il y a un peu de rouge, je vais montrer le scaphoïde sur la radio. Ça. Question de connaissance. Pour être radio, vous allez connaître et maîtriser toutes les fractures du poignet. Ok ? Donc, scaphoïde, semi-lunaire. Le scaphoïde ressemble à une scaphie, à une plaque. Le semi-lunaire. Est-ce que si tu es semi-lunaire ? Pas du tout. Il est tétraédrique. Comme ça. Pyramidal. On voit sur cette radio que le scaphoïde s'agence et se situe à cheval sur les deux rangs G du cas. Ce qui fait sa vulnérabilité. Il s'agence sur les deux radios, sur les deux rangées. Alors, tiens, on va commencer avec toi. Et combien d'os dans votre squelette, mademoiselle ? Mademoiselle ? Combien d'os dans votre squelette ? Hein ? Sûr ? 256. 200. 206, c'est-à-dire qu'il a le. Chez le fœtus de 6 mois, il a 300 os. Fœtus de 6 mois, il a 300. Le fœtus de 6 mois, il a 300. Chez la vie, c'est très bien. Bien sûr. Ok, 206. Pas le domaine à 206. Sinon, entre 206 et 208. Ok. Je suis une appelée. 206 et 208. Parfois, c'est la table de l'hiver, etc. C'est vrai, chez le fœtus de 6 mois, il y a 300 chiffres de C. Il y a vu souvent, pas de bonheur. Regarde, ça. Parmi ces os, il y a 3 ou 4 os qui sont, ils ont une vascularisation médiocre, type 1 de Gilles Bermal, ça dit terminal. Ok, une sur la terre, une fois les côtés, sur les grands. Parmi ces os, les 206, quels sont les os qui possèdent ce type de vascularisation? La tête de fémur, très très bien. Hein? La tête de radial, exactement. L'astragale. L'extrémité proximale du scapulaire. Voilà, je suis juste là que je suis comme ça. Non, le scapulaire est moitié. Là, le scapulaire est moitié. Est-ce que ça peut être l'extrémité de la fémur? Ok? Rounding de moitié? Les os qui possèdent ce type de vascularisation médiocre, type terminal de Gilles Bellman, c'est-à-dire une seule artère, ou généralement La tête de fémur. Très bien. Radius. L'extrême. La tête du radius. La tête du radius. Mm-hmm. Et le scaphoïde. L'astragale, j'ai dit. Il a donc de l'axis, de l'odontoïde. Pourquoi on doit connaître ça? On doit réduire rapidement d'une façon exacte. Par exemple, on va avertir le patient qu'il y a une nécrose de 50%. Donc ça c'est notre cours, le générateur de nécrose de l'image. Je rappelle l'anatomie de la chute à la fois, ce que la radiologie, l'anatomie du poignet, ça, c'est l'incroyable. Les ligaments, c'est l'anatomie. Là, on voit la série du corps, en théorie, elle est complètement abandonnée. Donc, là, si c'est sur le chien-là, et j'ai dans son site, on va venir par le chien. Alors, donc, 90% des cas de fracture du cap, elle intéresse le scaphoïde. Ça me laisse une question d'examen. Ok? Quel est l'os du Kikuchi au niveau de du poignet? Donc, le Kikuchi de scaphoïde. Certainement, 90% de scaphoïde. C'est une question de l'examen. Ok? Quel est l'os qui est Kikuchi au niveau du cap? C'est le scaphoïde. 17 ans d'orthopédie, juste une seule fois, fracture du pyramidal, une seule fois, fracture du pédipal. Alors, on passe à la principale insuffisance de l'examen clinique. Et par l'insuffisance, une connaissance de l'anatomie des médecins. Ok? Alors, si la fracture va être jeune, 90% est causée avec un traitement orthopédique, à l'âge. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de déplacement. Pourquoi? Le déplacement est minime. Parfois, c'est une rotation complète du fragment distal. Pourquoi? Elle tourne rapidement. Pourquoi le scan de Hava? Vascularisation. Situé entre deux rangées. Les os, plats. Les os, exactement. Les os plats. Les os spongieux qui marquent les extrémités du fémur et du tibia, les vertèbres, la spagale, tout ce qui est grand, l'essentiel c'est par rapport aux fractures des os cylindriques, comme le fémur qui consolide entre 9 et 12 mois. Les os plats, ils consolident rapidement, ils conservent extrêmement rapidement. Les complications, tu la croises, instabilité du cœur, un point du poignet et la nécrose. Pourquoi la nécrose? La vascularisation. Vous êtes mineur, très bien. Donc, on va commencer par la radiologie, l'anatomie, la radiologie, les examens cliniques, Donc, vous avez, vous recevez un patient. Au niveau des urgences, examinez le patient. Demandez des radios. Il faut explorer au maximum à la recherche des peintures pour éviter tout ça, pour éviter les complications. Là, tout d'un coup, si vous prenez tout d'un coup, absence de constatation dans le délit normal. Ça, diapositive. Alors, mais avant, 90% des fractures du cœur, c'est la modification des anneaux. Fracture du sujet, la méconnaissance diagnostique et la caméra biologique ne ramène les patients dans le stade de sous-arthrose, les fractures articulaires. On va mettre le point ici, on va articuler ce terme articulaire, comme toute fracture articulaire. Quelles sont les complications des fractures articulaires? Où je vais faire les fractures articulaires? Impotence. Exactement, Betty. Les fractures articulaires, c'est les fractures là où, les, où le trait de fracture atteint la surface articulaire. Donc, les complications finalement, ce n'est pas réduite. Ah ouais, la raideur. Ça commence par la raideur, une bada. La force, le sang-filant julien. L'impotence. Donc, avec tout le contestement, imaginez un jeune homme qui est ici, qui est plein de jeunes de jeunesse, plein d'énergie, qui fait partie du poignet, la personne qui tient les deux heures, pas de traitement, pas de radio, pas de examen, le poignet, c'est la force de se faire courir, après tout ce que ça dit, il faut que le poignet de l'eau. Alors, voilà le scapulite, le scapulite. Il tient son nom de sa forme complexe du cercle grec qui signifie la barque. Donc, spécificité biomécanique, je vous demande pourquoi il est vulnérable. Pourquoi? C'est beaucoup d'images, beaucoup de diapos, et il faut qu'on te parle de très bien dans la structure. Mettre un muscle d'examen. Crèche ou l'examen. Quand j'ai un travail de sable, la fracture, la côté, comment faire une rapide de poignée, chanson de ménage. Entre deux lignées. Donc, ça, c'est il est dur. Vulnérable parce qu'il est situé entre deux lignées, les radieux, les diapositives. Alors, ça, c'est l'anatomie superficielle qui est là, radieux superficielle. Il est là. Vous palpez l'extrémité inférieure de radius, elle est là. Ok, vous avez. Non, il est très belle. Là, comme vous voyez. Vous avez le radius. Là, c'est le radius. Ok? Ça, c'est le radius. Là, c'est la première rangée. Ok? Là, c'est le trapèze. Et là, c'est votre scaphoïde. Ok? Ok, là c'est le scaphoïde. On fait l'extension du pouce. L'extension, comme ça. Vous trouvez une dépression là. Oui. C'est qu'on appelle la tabatière ou la tabatière anatomique. Ça c'est entre les deux extenseurs du pouce. C'est la tabatière anatomique. Juste en succutané, c'est l'artère. L'artère, c'est une branche de l'artère radiale. Entre la peau. Le scaphoïde, c'est l'artère radiale. Ok? Femme de scaphoïde. Juste un petit mot, c'est une question d'examen. Ok? Le scaphoïde commence à réapparaître à partir de la 5e, 6e année. Le reste est une lâche. Ok? Vous devez mentionner ça. Le scaphoïde. Là, c'est très important parce qu'on utilise la radio du poignet chez l'enfant pour préciser l'âge radiologique. Très bien. Le scaphoïde, il commence à être à la fin de 5e, 10e année. Direct. Deuxième rangée. Première rangée. Les autres étapes, je suis là. La première rangée. C'est Milena, pyramide. Zéro. Mais que je pense à la sienne. Choupi. Mais que je pense à la sienne. Je ne sais pas si c'est exact. Bien, Tommy, d'ailleurs, vous allez trouver le Noël. Nous, alayhi salam. Donc, le massif Kapia. On a Kapia, c'est-à-dire Kapia, c'est-à-dire les Bihars. Ça va changer. Et les Bihars, c'est des autres Bihars, du Roma. Bon, la première rangée, circuit, semi-lunaire, pyramidal et pisiforme. Très bien. La deuxième rangée. C'était un jeune homme, un résident. On était comme ça dans la fille, un résident qui était en sur le bureau. Il avait une dizaine de feuilles. C'est-à-dire qu'il est tac, tac, tac, tac, tac. C'est maintenant ce qu'il a fait. On a permis le bois, mais j'ai appris ce qu'il a fait. C'est pour cela que j'insiste à le mettre. En 2012, j'ai donné le cours avec le même cours ici. À la fin du cours, un étudiant s'est présenté, monsieur, j'ai pris 2 euros, etc. Voilà, pour nous sommes dans l'hôpital militaire. J'ai demandé une radio, que j'ai dit, c'est une fracture de transe du scaphoïde, que j'ai opéré par la suite, et maintenant, il est résident en orthopédie de 3e année. Oui, il s'appelle Boubacar. Il s'appelle Boubacar. Je dis son nom. Mettre un sèche dans le tombé, ici la base à l'élève. Première rangée, deuxième rangée, troisième carpien. Du tronc du carpien, ça, c'est la réarticulation dont je parlais, c'est le radius et le tronc du carpien qui est formé par deux os. Le scaphoïde et. Bien, exactement. Ça, c'est l'articulation du tronc. Diapo, rapidement. Alors, la radicarpienne continue la partie distale, la radicienne rangée proximale du cœur, la vie du carpien entre rangée, proximale, tout ça c'est juste pour vous donner que la mobilité l'arthrodite, c'est-à-dire que la mobilité au niveau du poignet, c'est la mobilité entre le radius et la première rangée. Entre les métas, la deuxième rangée, elle est presque soudée, à part pour le pouce. La mobilité entre la deuxième rangée et la première rangée ne dépasse pas les 10 à 15 degrés, mais toute la mobilité est entre le radius du pont dit, le pont dit qu'il bien formé par ce corrigeant du scaphoïde. Les fractures du néaton va abîmer complètement la mobilité du poignet. Tiens, on va voir. Alors, quels sont les mouvements du poignet? Quels sont les autres mouvements? Ouais, parlez je vous. Vas-y. Flexion. Je pourrais dire ce qui m'est arrivé. Flexion, combien? À vrai dire, elle est 85, mais un peu de chiffre avant. 90. L'extension, elle est 90. L'inclinaison qui m'étale. 45. L'inclinaison radiale, elle est 45. C'est très important parce que tout simplement, on va voir que les fractures du scaphoïde sont les fractures qui touchent le poignet, chute sur la talon qui dépasse largement les 95 degrés. Ok. L'inclinaison radiale 45. Vous des 45. Ah, qui s'agence entre eux. Là, c'est juste pour montrer que la première rangée, c'est une rangée vraiment solide. Le ligament scapholunaire, c'est un ligament très très puissant. Tout ça pour vous préparer la clinique du patient. La clinique du lâche tout simplement un poignet. Même c'est un poignet complexe. C'est un complexe articulaire, mais il est solide par ses ligaments. C'est pour cela la clinique va être pauvre. Ce n'est pas cette fracture du fémur, mais la fracture du méniscus qui va donner un déplacement important avec un hématome important, le diagnostic est évident. Par contre, ici, c'est un complexe. Une fracture d'un petit os comme le scaphoïde va donner une clinique pauvre. C'est pour cela qu'on doit chercher cette fracture. Ok ? Diapolidique. Alors, les ligaments de force, ce n'est pas important. Donc, c'est le complexe articulaire ligamentaire. C'est juste pour le complexe articulaire. Et ligament de diapo. Alors, le scaphoïde, ça c'est une coupe cervicale cadavérique. Le scaphoïde, le cellulaire, regardez comment il est vraiment bien fixé sur les restes du cadre. Il est bien fixé sur le radius, il est bien fixé sur le trapèze, il est bien fixé sur le grand os. Alors, dans la vascularisation, quels sont les vaisseaux de l'avant-bras? L'artère radiale et la lumière. L'artère radiale, elle est radiale. Et l'artère capitale, c'est qui vont faire l'arcade palmaire. Donc, même une section de l'artère radiale, l'artère lumière, même une section totale, la main va continuer à dérouler. L'arcade palmaire. C'est la même chose au niveau du pied entre l'artère tibiale postérieure et l'antérieure qui est venue pour éliminer. Donc, regardez ici votre cerveau, là c'est l'artère radiale, là c'est la branche interradiale et on va voir une récurrente en distance. C'est-à-dire que le scaphoïde est irrigué par une seule artère récurrente qui vient du distal vers la proximale. Ok ? C'est-à-dire que la base du scaphoïde, elle est bien vascularisée, par contre, la partie apicale, elle est très très sahibée. J'ai une question d'examen, une question de l'examen. Alors, vous avez la branche qui donne artériole récurrente qui va irriguer la partie distale, qui va pénétrer ce niveau de le scaphoïde par la partie distale, c'est-à-dire que les fractures distales vont très bien. Une fracture proximale, il y a un risque très très important de nécrose. On s'éloigne de la base, on aura un risque très important de nécrose. Diapo. Alors, vous avez ici la tête principale qui est là. Vous avez ici une rupture de fer. Et là, c'est la partie apicale qui nécrose. Vous voyez ça sur des radios. C'est l'évolution sur des radios. Après un certain temps, vous voyez ces nécroses. Vous voyez un moindre disparition. Je vous demande une radio. Du poignet, chez un patient qui a fait une fracture apicale ou proximale, vous aurez, la moitié du scaphoïde. La deuxième, la moitié proximale, elle est complètement absente. Ok ? Diapo ? Alors, donc, ce n'est pas uniquement le scaphoïde, il y a aussi le brotos et le lintot qui ont la vascularisation terminale. Ok ? Diapo ? C'est en gros pour voir les gens de la confoule, le scaphoïde, le grand os cellulaire, donc essentiellement notre scaphoïde qui est mal vascularisé. Regardez ici notre crochet qui reçoit plusieurs artérioles, aussi le pyramide trapèze qui est vraiment très vascularisé. C'est des fractures, même s'ils sont fracturés, ils vont consommer normalement du monde. Par contre, le scaphoïde, s'il n'est pas. C'est bon. Le TSMH, la vascularisation type terminale de Gelberman. C'est un, deux scaphoïdes et mal de sa suppression du granat, suppression de l'examen. Diapo. Alors, le diagnostic clinique. Devant ce tableau. Bon. On a deux choses de jeunes. Chute en hyper extension sur le talon. Chute en hyper extension sur le talon de la main. Donc, ce temps là-bas, il y a une extension qui dépasse 95%. Le scaphoïde va être écrasé entre le vent radial et le socle trapézien. Donc, c'est une pathologie qui touche à des jeunes. Je suis en hyper-extension. Attends ce taux de cochon. Extension. C'est perfection. Douleur modérée. Est-ce que ton fonction est incomplète? Alors, pourquoi? Pourquoi tu gardes la fiction? Pourquoi? Pourquoi la douleur elle est modérée et l'impotence fonctionne, elle est incomplète? Pourquoi? Pourquoi c'est pas comme cette fracture du fémur avec un hématome, avec un déplacement? Parce que le déplacement est minime. Okay. Le déplacement est minime, c'est très vascularisé, c'est très vraiment fixé. Avec votre carte. Donc ici, il faut que c'est l'absence de déformation. Il est petit. Si on c'est un grand, on est fait. Douleur provoquée à la palpation de la capacité rétonique. Douleur à la pression axiale du pouce, le dernier comblant de la capacité rétonique. Je sais ça. La première rangée, la première colonne, vous avez la main, je suis là. C'est une cascade. Je commence par le radius. Scaphoïde, trapèze, un A, une pouce. Ok? C'est pour cela, la pression axiale du pouce, elle est. Elle déclenche une douleur. Une douleur provoquée. Là, c'est un patient atomique. Voilà, à deville alors. C'est un patient atomique. Là, une pression sur le trapèze, sur le pouce, ou une traction sur le pouce, elle déclenche une douleur. Pourquoi? Parce que si je tracte comme ça sur le pouce, je vais tracter sur un 1, qui va tracter sur le trapèze, qui va tracter sur le scaphoïde fracturé, et avec déclencher une douleur. Ok? La même chose, la pression comme ça. Pression sur ce scaphoïde qui est douloureux, elle va déclencher une douleur. Donc, demandez-moi. La même chose, si je tracte sur le troisième, je vais tracter sur le grand os, qui va tracter sur l'os, sur le scaphoïde fracturé, par le biais du système ligamentaire, qui est 33 ligaments au niveau du poignet. Donc, je vais tracter comme ça, déclencher une douleur, je fais une pression, je déclenche une douleur. Vous n'avez pas d'œdème comme dans la pression atomique, de la pression, c'est etc. Pourquoi notre nom est parmi les deux? C'est bon? Devant toute traumatisme. Non, c'est pas ça, monsieur. Devant. Attends. Devant. Devant toute traumatisme. Non, devant tout traumatisme fermé. Je laisse ma garçon. Monsieur, garçon, là. C'est mon slogan. Devant tout traumatisme fermé du poignet sans déformation évidente, on doit toujours présumer l'existence des fractures du scaphoïde jusqu'à trave de contrainte. Attends, référence comme un poignet de l'euro égale fracture du scaphoïde jusqu'à trave de contrainte. C'est-à-dire. Je m'entends. On doit être. Braquet interne, résidente, médecin au niveau des agences. C'est chambre. J'ai fait une chute sur le talon de la main. C'était un poignet de l'eau. J'ai dit octave César qui m'a examiné. Poignet de l'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas explorer. Par quoi? Quelle radio? Radio. Les faces de profil du poignet, les incisions stéchinaires, etc. Tout ça. Tu n'as rien trouvé. Ouais, je dirais. Tu veux créer la joie de son genre secret. Tu n'as rien trouvé le premier jour. Tu as donné un avec le poignet de l'eau. Hein, très bien. Hein? Tu vas immobiliser avec un rendez-vous dans 15 jours. Ablation de plâtre, on a scotch castré transparent. On va refaire la radio. Je dis la fracture, des mégalos sans gens. On va continuer le traitement. Pas de fracture, on va enlever le patte et c'est bien. Alors, le mécanisme de la chute sur le plan de la main. Le scaphoïde est écrasé entre le radius et le trapèze. Bien. Le diagnostic, la même chose. Œdème de la patière, œdème du bord radial, on va voir sur des imaginaires. Œdème du bord radial, de l'ordre anatomique, de l'ordre précis, la traction du pouce. Déjà, on avait déjà vu. Diapo. Diapo, diapo, je dis, rapidement. Alors, les pièges diagnostiques. Ne pas faire des radios. C'est criminel. Tout simplement, parce que si les gens, il y a des gens, des trucs qui passent par le sud, par méconnaissance, de l'anatomie, même le bonhomme a demandé des radios, il chauffe la radio, même du problème. Parce qu'il ne marche même pas dans le pas de gel, donc il faut mettre le ferro à la balise. Donc de ne pas faire une radio, de se contenter d'une radio de face profil. Parce que l'os de scaphoïde, c'est un os plat. C'est un os, presque 90% de sa surface à l'écartilagineuse. C'est un os en forme presque arrondie. La face et le profil, parfois, ne montre pas la fracture. Il faut demander des chinecs. Il faut demander. Incidence de chinec, tant que je vois. Parfois, on va demander des incidences spéciales pour dérouler le scaphoïde. De ne pas voir que fracture du radius complète ou parcellaire qui peut être associé, ceux qui commenceront parfois à l'arrachement du commentaire, de ne pas voir une licence médicale associée ou de ne voir que la licence. Vous êtes arrivé à des urgences. Tu as reçu un gros poignet, fracture du scaphoïde. Tu vas fixer et focaliser ta recherche sur la fracture du scaphoïde. Plutôt que de radius, le scaphoïde a passé. Il passe à côté. Si tu dis ça sur du cap, tu vas focaliser ton trajet sur la luxation du cap et tu vas oublier le pauvre scaphoïde. C'est pour cela. C'est un gendarme victime d'un accident, enfin, Borch. D'habitude, je ne cite pas dans l'hôpital, mais cette fois-ci, c'est ça. C'est un patient qui a été hospitalisé 20 jours dans un hôpital, sur l'hôpital de Bourges. Fracture ouverte de l'avant-bras. Il y avait une fracture, luxation du cœur qui a passé inaperçu. 22 jours. Et quand on a passé par notre hôpital, par le personnel de travail, on a demandé une radio et c'est une luxation du carpe qui a duré 22 jours. Or, la réduction après le cinquième jour, elle est presque difficile. Alors, le diagnostic est difficile. Pourquoi il est difficile? Pauvreté clinique. Exactement. Parce que la clinique n'est pas vraiment scientifique par l'autre. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de les six cliniques sont spécifiques et non sensibles. Examen clinique, il dit que l'on doit aussi attentif. Elle demande un examen attentif. Diapo. Diapo. L'interrogatoire, la question, le phénomène, le contexte, le survenu, etc. La moitié, ce sont des fractures. Ce sont des fractures dans un accident de sport. Okay. Il n'y a pas vraiment de craquement audible parce que on entend le sujet. Parce que l'on se rend. Un traumatisme antérieur. Pourquoi le traumatisme antérieur? L'existence d'une pseudarthrose. Parfois, c'est un scaphoïde. Depuis 5 ans, le bonhomme fait une autre chute banale. J'ai un poignet de l'euro. Tu demandes un radio sur pseudarthrose. C'est pour cela qu'on peut toujours demander l'histoire traumatique du poignet. Ok, diabolique. Alors, l'expression clinique. Soit c'est en fonction de la gravité du traumatisme. Un traumatisme minime ou un traumatisme violent. Diapo. La première éventualité, un traumatisme à haute énergie. C'est des exemples complexes, un grand poignet hyper agile. Donc, c'est une déformation, c'est une fracture, c'est une vidéo, etc. Donc, on va chercher une fracture, on va chercher une fracture, demander l'avion. Sinon, diapo. Deuxième éventualité, un traumatisme banal, l'exposition clinique déjà, diapo. Voilà. Donc, un examen attentif et parfois on passe à côté. Là, je vois ça, c'est l'os. Tem um parceiro que está mente que o próximo escape. Diabetes. L'examen qui n'est pas spécifique, mais c'est une preuve de projection superficielle des éléments anatomiques. C'est pour cela, au début de notre cours, nous devons demander de montrer votre scapulite et la projection superficielle. D'accord ? Voilà, par ça. Mes enfants, je vous demande tous de prendre vos stylos et dessiner votre scapulite. Allez, allez-y. Dessinez votre scapulite. Là, voilà. Là, je vais dessiner. Je vais dessiner mon scapulite. Allez, là, allez-y. Dessinez votre scapulite, c'est pas vert de rouge. Alors tu dois que nous pas dessiner la. C'est bon. Ça, c'est une question d'examen. Quelle est la partie touchée de ce scapulite? Vous devez toucher la partie moyenne. Alors, parce que c'est la partie, vous voyez, elle est exactement si la. Regarde bien. Si la ligne, elle est interrogée, elle passe toujours par le type de voie typique. Ça, c'est une fracture, ça, c'est une question d'examen, très bien. Quelle est la partie la plus touchée du scaphoïde? Donc, vous devez trancher la partie moyenne. Avec la partie distale, la partie derrière, la partie moyenne, vous devez trancher la partie moyenne, tout simplement 82% des cas, c'est la partie moyenne qui est touchée. Vous voyez que si la partie est en regard de la ligne de Wagner ici, interrangée. Si la partie là, c'est bien solide, c'est bien fixé dans le scaphoïde par le ligament scaphoïdaire. Et là, elle est bien fixée sur le ventose. Et là, ça c'est la fracture. Ça c'est la fracture la plus fréquente. Ok. C'est la partie moyenne. Sur question des amants, il y a quelqu'un qui s'est agréable. Hein? Donc, est-ce que tous les titres. Tous les poignets de l'Europe selon le Hajj de Saint-Jeanse, c'est la frappe du scapulite. Donc, de l'heure au-dessus du tubercule digestère. Le tubercule digestère, c'est là, sur le radius. Je vois sur le radius, vous trouvez un cœur réservé, il est sans gagner. Le tubercule digestère. Et là, parce que le tubercule est là, là, juste. Entre l'ulna, les voiles cubitus et le distère, il passe les extenseurs. Là, je peux faire le distère. Maintenant, je peux dessiner là et là. Ah oui, voilà. Le tubercule du distère. tubercule du distal qui est là. Bon, la dorsiflexion, elle est limitée. Mais pas tous les poignets de l'euro, selon votre sagesse, sont des fractures scapulaires, mais un poignet de l'euro peut nous renseigner et peut nous donner des radios sur fractures similaires. Donc, maintenant, sur le profil strict du poignet, vous allez voir que semi-gainaire, il est en semi-gaine. Ok ? Sur la face, il est. Sur la face, il est. Tétraédré. Sur le profil, il est en semi-gaine. Là, sur le radius, voilà, je n'ai rien. Très bien. Le brontos. Je vois bien le dôme ici, le dôme là. Fixez bien, rapporte bien dans la mémoire. On va le voir après une chambre. Ok ? Il est simulé en simulé. Alors, de la flexion, une fois, passe postérieure, c'est fracture 2. C'est un poignet, c'est sûr. Mais ça finit, j'ai une fracture de poignet. Maintenant, tu as bien le poignet, tu as reçu du nerf, etc. Donc, il y a du poignet peut-être scaphoïde, semi-linaire. Pyramide, une seule poche pyramide là. Là, est-ce que vous voyez pas qui c'est cette radio? Non. Ça, c'est la base. C'est la base. C'est la base du contexte. Ok, diapo, rapidement. Alors, examen clinique, demain, c'est un radio. On termine par l'examen de vasculaire et l'examen des vaisseaux. Je quitte les vaisseaux. Radial et cardial. Radial et cubital. Et l'arcade. Linéaire. L'arcade est linéaire. L'arcade, très bien, c'est pas ça, mais c'est devant le syndrome d'ischémie. Mais là, quand je vais chercher du coup l'angleur, parfois c'est très difficile au niveau radial parce qu'il y a avec le dernier angleur. Donc, dans le territoire du médian, le nerf médian, c'est la moitié du quatrième et donc, ça. Il y a une seule fois que le professeur Darboy a présenté une fracture inucléation de scaphoïde. Donc c'est le scaphoïde inucléation. C'est le scaphoïde qui a quitté complètement le poignet. Il était trouvé derrière à 8 cm. À 8 cm de. Du poignet, l'interline. Aucun mécanisme. Le poignet est là. Aucun mécanisme n'a été proposé. Hein. Il y a aussi un cas en fond. Alors, maintenant, on va commencer la radio. Entendez, un peu de clinique, etc. La radio. Les incidences de Schneck, radio de face palmaire, profil strict. Oblique interne et oblique externe. Bien. Étude radiologique. L'ana à plat normal, il a le poids fermé en position de chemin. Pourquoi ? Belle question. Pourquoi ? Tout simplement, l'image est pas. Ce n'est pas la peine de dire, ce n'est pas pour une question, il suffit de regarder cette image. Ok ? Là, vous avez, regardez-le, c'est ça, moi, j'aime bien. C'est un oblique normal, il est oblique. Sur la face, sur la projection, à plat comme ça, le scaphoïde est oblique. Pour horizontaliser le scaphoïde, je dois faire une extension à 20 degrés. Ok ? Donc, il est oblique. Pour horizontaliser, je dois faire une extension à 20 degrés. Ça, c'est l'incidence de Schneck. Ok ? L'incidence de Schneck. En extension à 20 degrés. Pour horizontaliser le cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez deux fragments fracturés à la mer. Je fais bien la radio. Vous avez des rayons X qui vont traverser les deux fragments. Est-ce qu'on aura une image de cette fracture? Jamais. Par contre, non. Là, les rayons qui vont passer à travers le l'os proximal vont être arrêtés ici. Les rayons qui traversent la fracture vont pénétrer directement la cassette et la refroidir. Donc on aura une fracture. Donc il ne faut jamais se contenter d'une radio simple face à profil. Il faut demander des chirurgiens. On dit en urgence. Hein. Ok ? Bien. Alors, comment faire une radio de face et radio de profil ? Donc, elle va obtenir des règles. Il faut jamais se contenter des radios suffisantes. Donc, je vous remercie. Vous êtes des médecins, des internes, des externes, des anémiques. Vous êtes dans des urgences. Vous avez reçu un patient fracture, cardio-fracture du poignet. Voilà, un poignet de l'eau. Vous demandez une face profil. Avec le binable, avec le technicien radio, il va vous envoyer une seule radio. Une face de profil, il va te faire une radio, je m'y retouche, tout simplement parce que pas mal de fois, tout le monde a des problèmes. Je demande une radio face profil, il va te faire trois quarts. Une seule radio. Je demande, je redemande la face de profil. J'ai même dit que quelqu'un marche. Tu vois? Et ça, c'est la réalité. Parfois, pas mal de fractures qui passent inaperçues par un radio, à cause d'une radio mal faite. Donc, vous avez bien dans la tête, vous savez que cette fracture, ce poignet, doit être exploré par une radio face profilée. Demandez tous les radios du monde. Entendez-vous ? Alors, je pense que tout simplement, ni les médecins, ni le radiologue va payer, c'est le mal qui va payer. Donc, il ne faut jamais se contenter des radios clichés insuffisants. Bien vous. Alors, est-ce que c'est une face sans profil ? Ni face sans profil. Ni face sans profil. Il ne faut jamais se contenter des radios clichés. Ok ? Alors, je pense que tu as dans la tête que sur le profil, sur la face, le pyramidal de cellulaire est détraillé, il y a une chose par exemple. Ok ? L'alignement, etc. Donc, il ne faut jamais se contenter d'une radio insuffisante. Par l'assurance de radio, vous allez passer à côté du diagnostic et sur le patient, sur le malade qui va pécher. Bien. Alors, les assurances de base, radio de face, radio de profil. Là, c'est une face, et là, c'est un profil. Ok ? C'est pas comme ça. Hein ? Tu penses ? Vous avez bien le radius du son. Vraiment, c'est pas possible. Reviens en arrière. Regarde ici. Le radius du son décalé. Alors, déjà, là, ici. Radio scaphoïde. Je regarde bien. Là. Le radius et les cavités sont vraiment séparés. Ça, c'est un poignet de profil. Il faut demander une radio pour préciser radio profil strict. Okay? Si tu ne vas pas à l'eau, superposé, donc sur radio insuffisant, c'est pas un profil. Parfois, dans les fractures de Galiasi, la fracture de Galiasi, ça de toutes les fractures de l'avant-bras, la montée chien, c'est quoi ? Avec l'extension. L'extension du radius. Quelle l'extension ? Quelle articulation ? Très bien. C'est-à-dire fracture. Fracture de deux os d'avant-bras. Vous avez une fracture de radius, une fracture de cubitus, avec une luxation de la radio ulnaire proximale, c'est-à-dire la radiale. Elle dit c'est la montée chien. Sens contraire. Oui. La fracture du radius avec une luxation de la radiale, c'est la galéase. Ok ? Bien pour lui. Voilà. Ça, c'est un radio, c'est une radio de face. On demande comme ça l'alignement de troisième et le radius. Bien pour lui. Regarde ici, le centre de M3 qui passe par, je dirais, la corticale interne de radius. Là, sur radio de face. Ok ? La cascade troisième, grand os et la corticale interne de radius. Regardez sur radio de face. C'est des critères, c'est pas comme ça. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va sur une radio qui m'a dit de face ? Qu'est-ce qu'on va sur ? Qu'est-ce qu'on cherche essentiellement ? la hauteur du cadre, parce qu'une fracture du scaphoïde va donner une luxation, donc une diminution de la hauteur du cadre, c'est très important, et une désorganisation du cadre. Pourquoi il est désorganisé ici? Est-ce que ça c'est normal? Ça c'est un diastasis. Ça, exactement, ça c'est un diastasis scapholunaire par rupture du ligament scapholunaire. On va dire que le cadre, on ne peut pas le fixer d'une façon, on va dire qu'il y a deux organismes. Il y a une désorganisation de ça du cadre. Alors, on va chercher l'anneau osseux qui entoure le scaphoïde. Quels sont les éléments osseux qui entourent le scaphoïde? Tout ce qui est osseux qui entoure le scaphoïde. Le ravus. Séminaire. On va trouver tout ça. Parfois, c'est une nucléation et perte complète du subliminal qui passe derrière le gros os et on parle aussi d'une luxation périnéale. Ok ? C'est-à-dire qu'on va voir la luxation aussi. Là, c'est la luxation, rupture du ligament scapulaire. Là, ce sont les arcs de Judel, l'arc proximal, les distal, etc. Encore. Cliché de profil, la corticale postérieure qui passe sur la même ligne que la corticale postérieure du M3. Comme c'est l'intime. Ce n'est pas uniquement la superposition, mais la corticale postérieure passe par la même ligne. Ça, c'est différent de bon cliché. Alors, pourquoi j'ai insisté sur ça? Parce que. Voilà. Oui, monsieur le tien. Ce n'est pas question de transfert du scaphoïde. Vous pouvez la question pour l'examen, quelques QCM. Quelques QCM, il faut voir la radio, il faut voir l'anatomie. Ça, c'est la base. Alors, un médecin, un orthopédiste, deux orthopédistes dans le même service, avec un patient, avec une fracture, luxation du cœur, il a passé l'aperçu, il est passé au scolésie 22 jours. Qu'est-ce qui se passe, Vangile? Là, je pensais tout simplement la radio, c'est plus la radio. Non, c'est pas ça. Vous êtes des médecins, vous devez donner le max fax. Ok ? Regarde ici. Le cellulaire, regarde ici l'nucléation antérieure. Ça, c'est une luxation antérieure de cellulaire. Voyez-vous ça ? Ici, là, qu'on doit chercher, si on trouve. La luxation, c'est quoi par définition la luxation? Écartement. Non, c'est pas un écartement. La luxation, ça vient de luxor. Luxor en latin, c'est-à-dire, génial, c'est un déboîtement. Luxor égale déboîtement, mais ça c'est une perte permanente de contact entre deux cerveaux musculaires. Donc, si je compte que c'est la face post-inférieure du cellulaire, et là, c'est la face sur le dôme du cortex, donc là, je te dis que c'est une luxation parce que c'est une perte permanente du contact entre ces deux cerveaux musculaires. Par contre, la cellulaire, je viens de subluxation. Ok ? C'est quoi une luxation ? Une perte de contact permanente. On attend. Fixie, ça vient de Luxor. X-O-R. L-U-X-O-R. C'est un égal déboîtement, donc c'est permanent. Donc, là, c'est schématique. Sur la radio du profil, cubitus radius superposé, semi-lunaire qui chapeaute ici le grand os, et là, vous avez le scapulé qui oblique. Ok? Ça se tue un truc droit comme ça. Ok ? À plat, non à plat, donc il est oblique. Donc, l'écluche dynamique, ça, on vous demande que pourquoi ? Que ça, c'est pour vous préparer à la radio pour la frappe scapulaire. Là, c'est un petit diastasisme, quand même, c'est une inclinaison. On demande à des écluches de stress juste pour ouvrir la fracture, là, pour ouvrir l'instabilité du cœur. Donc, l'incidence de Schneck, là, c'est en Schneck, en 20 degrés. Regardez ici. Pour horizontaliser. Regardez mon poignet, c'est en 20 degrés, tout simplement parce que Trapèze, il est oblique. Oblique. La main, on va dire qu'elle est horizontale. Ça, soit on fait une, soit là, soit on fait une extension de 20 degrés du poignet, ou là, on va mettre une cassette, tout simplement, on va inclure toute la cassette à 20 degrés. Ok ? Avec un axe sur le poignet. Incidence, intérieur d'incidence. Pourquoi on va demander au point de vue des incidences ? Tout simplement, c'est un os complètement cylindrique, donc on ne peut pas voir la rentrée. Regarde ici. Si tu vois cette fracture-là, ce poignet-là, on ne peut pas le fracturer. Tu peux la deviner ici, mais on ne peut pas dire que c'est une fracture. Par contre, ici, ça, c'est un déroulement. Ça, c'est l'incidence de Vasilas. L'incidence de Vasilas, elle va complètement dérouler le cercle. Vous savez, comme ça, on va le voir comme ça, sur d'autres incidences. Là, c'est une fracture. C'est la fracture de... Quelle est la fracture la plus fréquente ? Moyen. Quelqu'un va dire que c'est la fracture de la taille. La taille. Et que c'est la fracture de la taille du scapulaire. La taille, c'est un peu le milieu du scapulaire. Quelqu'un va dire que c'est la fracture. Fracture de la taille du scapulaire. Fracture de la taille du scapulaire. C'est bon ? La radiographie. On va revenir. Les urgences, patient, traumatisme du poignet, poignet de neuro, poignet de neuro, radio, il n'y a rien du tout à G0, il n'y a rien du tout. On a décidé de traiter le patient. Je vous dis l'eau. Pas le samedi là. Ça, c'est pas la conduite. Votre urgence, c'est Zafmina. Votre urgence, pour votre urgence, à Bermond, et vous levez le scaphoïde. Il est fracturé. Jusqu'à prouver le contraire. On va mettre immobiliser. À terre, n'importe quoi, immobiliser le poignet, et convoquer le patient après 15 jours, demander les rats de titrace que tu fermes, les inclinaisons, etc. Diaphine, AJ15, vous voyez une fracture du scaphoïde, je suis bien passé. Ok ? Regarde ici, AJ0, il n'y a rien du tout sur le scaphoïde. À J15, il y a une fracture du scaphoïde. Je me souviens. Pourquoi 15 jours? Concentrez bien. Vous lui dites pourquoi, après 15 jours, on aura. Si le système immunitaire qui va nettoyer le trait de fracture, il y a une rupture de la charpente osseuse normale, des travures osseuses vont être fracturées, il y a des cellules qui vont être visées, etc. La première étape, c'est l'étape immunitaire, c'est le nettoyage des deux berges. C'est le système immunitaire, avec ces phagocytes qui vont phagocyter et tout ce qui est fait. Des dendrites, des vitamines, etc. On met là, Gina, là, il n'y a pas assez. Le scaphoïde, ensuite, combien de temps ? Alors, maintenant, si vous avez bien mettez dans la tête le dialecte de M. Watson, Joseph Rabah Moussaïd. Aïda, on te va bien ? Oui. اه شو بيصير رحم عليه يا اختي مرحبا يا مرحبا يا مرحبا فهمتوا زافي زافي مادموازيل ليشك خلينا في الكره في اليد زافي زافي فوت باسيون زافي تاك تاك تاك تاك تاك انا غير نتروبي هكذا ابخي كان دونك نورمالمون لا راد ستاندار الي نيسيسير بور لو ديغنوستيك الي سوفيزون سيتادير كو face, profil, etc. Normalement, on ne recherche les examens complémentaires. Mais quand même, on peut demander la scintigraphie, l'IRM, le scanner en 3D, etc. La scintigraphie. Regarde ici, la scintigraphie, ça, la sinusca fluide malade. La scintigraphie va vous demander, va vous montrer une hyperfixation du produit. Mais l'hyperfixation n'est pas spécifique à une fracture. L'hyperfixation, c'est avec une inflammation. Inflammation. Exactement. Donc, un neuron, c'est pas la peine de demander toutes les scintigraphies qui est vraiment cher, etc. Alors, sur les radios standards, presque, on peut devenir chouillé à le coin, mais sur le scanner, il y a une fracture de scaphoïde. D'accord ? La même chose ici, sur les radios, on ne voit rien du tout. Sur une IRM, il y a une fracture, Ok ? D'accord ? Là, le scanner en 3D, ça se fait ici, il suffit de demander. Ça, c'est deux fractures vraiment déplacées. Ça, c'est le radius, là, c'est le scaphoïde. Ça, c'est une fracture au niveau distal du scaphoïde qui est complètement déplacé. Donc, pourquoi le 3D ? Pourquoi, en tant que chirurgien, je demande le 3D ? C'est pour planifier l'intervention. Okay ? Normalement, on a la radio. Pour le déplacement qui est là, juste une radio simple. Et dit, elle suffit pour le diagnostic. Je demande un 3D juste pour planifier l'activité, ce qu'on appelle la planification virtuelle de l'intervention. Recharge, etc. Le déplacement il est vraiment minime. Parfois c'est des rotations, parfois c'est des déplacements de fragments distal et proximal, ensemble de ça. La classification. Ça, c'est l'essentiel. La classification, c'est très important. La classification. On va demander que je classifie n'importe quelle fracture. À l'âge pour. Choisir le traitement adéquat. Parce que chaque type de fracture a un traitement spécifique. Alors, la classification des invasives basée sur le stable et l'instable. Là, ce sont des fractures stables, donc non déplacées. Et les fractures instables, c'est une classification complètement abandonnée. Mais on doit la citer comme une chirurgie. D'accord ? La classification du trojan, elle est basée sur. Ce point, le siège du trait, voilà. Fracture, le trait proximal, trait au niveau de la taille, le trait distal. Ok ? Abandonné complètement, non, aucun intérêt. L'archive de génération. Ah, chaîne. La classe est la chaîne. Ça, c'est la classification utilisée dans le monde entier à partir de 1994. Dans le monde entier, c'est la classification utilisée et la classification de présentation, je peux utiliser la classification utilisée. Là, c'est la fracture proximale. Après, il faudra de la radio juste pour voir que ça, c'est le radius et là, c'est le type 1. Okay, c'est comme ça, c'est pas la même conscience. Hein. Donc, là, c'est la partie moyenne. Le type 1, la première supérieure, le type 2, la première fois, le temps pour les ventes, le temps pour les grâces, le type 4, la tronche tuberositaire, le type 5, c'est le pied, le type 6, c'est le tubercule distal, le type 6, c'est la base A, B et C, etc. Donc, quel est le pronostic de fracture du type 5 ou 6 ? Est-ce qu'il est bon, favorable ou non ? Hein ? Non, il est de mauvaise qualité. Hein ? Il est de mauvaise qualité. Non. Pourquoi ? Il est pas sur la maladie. Regarde. En partant de 1 vers le 6, le risque. L'aggravation de l'ischémie. Le risque en France, est-ce qu'il diminue ou augmente ? Augmente le risque. Là, pour la 1 et 2, c'est des fractures qui nécroisent très vite. Par contre, les fractures de la taille et les fractures de la base, c'est des fractures de bon pronostic. Ok ? À toi, Harry. C'est toi, Harry. La partie la plus touchée, c'est la partie moyenne. 2, 3 et 4. la faculté de toucher. Question d'examen. Des lunettes. Ah, c'est la classification la plus évidente dans le monde. C'est parce qu'on est sans. C'est une classification. Les jeunes. C'est une classification radiologique. Hein. C'est une classification radiologique basée sur le siège du trait, sur aussi le pronostic vital, de l'os par rapport au trait de fracture. Ah, c'est à vous de me répondre. Quelle bonne excuse fera tu sais. Écoute les jeunes, je pense que vous faites bien. Mademoiselle, c'est une vascularisation type 1 de Gelbelman rétrograde, c'est-à-dire que la terre est plus que la partie distale dans le proximal. Quelle est la partie plus irriguée? L'artère Gelbelman, l'artère est récurrente. Donc, c'est la partie distale qui est mieux vascularisée. Donc, le pronostic vital après fracture de la base est meilleur que la fracture au niveau de apical. Je n'ai rien compris. La terre scapulaire est comme ça. Donc, ça, c'est là. Une fracture là, dans la partie vascularisée. Il est des meilleurs pronostics. Le meilleur pronostic. Elle est vascularisée. On s'éloigne de la base, le risque augmente. Donc, une fracture apicale type 1, une fracture de la base, elle est dans l'écran du parapronostique. C'est un os plat. C'est-à-dire, là, le traitement par public et va. Exactement. C'est un os qui va consolider avec un traitement orthopédique. Un petit plâtre, un grand plâtre, et c'est bon. Alors, la fracture. Quel est le but de traiter n'importe quelle fracture? Fémur, n'importe quoi. C'est d'obtenir la consolidation dans le délai normal de la consolidation. Alors, la fracture de scapule est une fracture articulaire. Il faut bien prononcer et articuler ce terme articulaire parce que c'est une fracture articulaire. Avec toutes les complications de fracture. Donc, une bonne réduction de la fracture de scapule est une fracture articulaire pendant la conscience de la fracture dans le délai le plus bref et sans déformation afin de garantir le moment énorme du poignet. Voilà, sans déformation, parce que le scaphoïde, il est cartilagineux sur toute sa surface. Un petit déplacement qui va laisser une marque d'escalier, qui va laisser le cartilage radial, donc c'est la croise, on passe à faire. Bien. Alors, fracture déplacée, c'est le traitement rapidique ou chirurgical. Traitement chirurgical. Voilà, le traitement chirurgical déplacé est pour les lésions ligamentaires associées. Là, sur le fracture de la rotation, là vous voyez le scaphoïde avec un bleu. Chauffez une fois. Vous voyez cette déplacement là? Non. Elle se fait de notre. De venir nous voir. Là, c'est une marche d'escalier. Est-ce qu'on a le droit de traiter orthopédiquement cette fracture? Non. Jamais. Donc on va réduire tout simplement, ça c'est un bec, c'est un crochet, et qui va toucher le radius, et on aura. Quand on les fractures articulaires, les complications articulaires avec une lise du cartilage radial et on aura une arthrose stylo-scaphoïdienne. Ça, ça stimule. Ok? Bien. Alors, vous avez une moyen le broche, etc. Là, c'est la vis berbère. C'est la vis du Maroc berbère, c'est un visage construit. Là, c'est une vis avec une tête qui reste en dehors de l'os, qui n'est pas bien. Là aussi, c'est un visage construit, visage perdu. Une fois que tu as mis la vis, on va l'oublier. Là aussi, c'est une vis qui va être pénétrée complètement dans l'os. Aucun problème. Mais l'embrochage et le système, c'est des systèmes qui ne provoquent pas une compression au niveau de foyer de fracture. Les foyers de fracture, pour avoir une consultation ensuite, dans le délai normal, on va avoir une compression au niveau de la fracture. Mmh. Okay? Oui. Sinon, ça reste au sein de la trace. Okay? C'est une condition d'obtenir une consultation rapide. La compression au niveau du foyer, c'est une condition d'avoir une consultation toute petite fracture. Ok, diapos. Donc le visage, ça c'est l'ancien modèle, avec une tête. Quand même, il y a une récupération. Diapos. Visage percutané. Là, c'est la vis derrière. Visage distal et proximal. Suivi, c'est complètement enfoui. Et puis l'ouverture de 1 mm, c'est mille fois rien. Vis dans le scaphoïde. Visage enfoui, diapos. Là, c'est une compression importante. Pourquoi ? Parce que là, c'est. Parce que là, c'est vis, là, c'est flippé, là, c'est flippé. Quand on tourne la vis, ça va provoquer une compression là. Il va consommer rapidement. Regarde ici, la fracture, après un certain temps, là, c'est bien. C'est une vis avec laquelle on va garder la hauteur du scaphoïde. C'est très important. La hauteur du scaphoïde. Si le scaphoïde est diminué de hauteur, on aura un diminué sur la hauteur du cas, il s'éteindra. Donc là, alors, regarde ici. Ça, c'est une compression. Ça, c'est une compression. Mais c'est délicieux. Regarde ici avec cette fracture-là, de chez le GNA. N'a pas fait de compression. Hein? Donc, elle n'est pas déplacée, mais il n'y a pas de compression, ça c'est un problème. Voilà. Donc, allez, on ne va pas consolider, on aura une pseudo-arthrose, par la suite, c'est la greffe. Alors, la récupération percutanée, vous voyez bien que c'est une petite mouchure de rien du tout. Récupération totale 90-90. Et c'est rapide, sans plâtre. Parce que le plâtre du scaphoïde, chal, de 90 jours à 120 jours. Le plâtre du scaphoïde. Voilà. Là. Et le lendemain matin, le patient est bouge sans problème. Avec traitement chirurgical. Le traitement chirurgical. Aïda, le traitement chirurgical. Le lendemain, le patient est bouge. Facilement sans montre, ok. Par contre, avec un plâtre, il va l'Algérie, le traitement percutané, c'est le traitement du luxe. Okay? Le visage percutané, c'est un visage du luxe. Ça demande, même la vis est vraiment chère, etc. Donc, laser, on conduit toujours à ciel ouvert, surtout pour les déplacements, on doit le réduire, diapo. Là, c'est l'avant antérieur. Là, c'est notre capsule scaphoïde, diapos, rapidement. Ça, c'est la barre postérieure. La barre postérieure, elle est contre-indiquée beaucoup plus. À l'âge, je pense que 70% de la vascularisation du scaphoïde, elle est postérieure. Très bien. C'est pour cela qu'on préfère la voie antérieure, malgré le risque d'artère radiale qu'on doit mettre de côté. Mais on n'avait pas, on ne touche pas la base de postérieure. Le scaphoïde reçoit 70% de sa On pense que c'est la même chose pour... En tête du fémur, la circonflexe postérieure, c'est elle qui assure 70% de la vascularisation de la tête. Ok, voilà. Ça, c'est le message que vous avez. Faut jamais se contenter du radio simple. Faut jamais voir uniquement le radio circulaire. Là, c'est une. Est-ce que vous pouvez décrire tout ça? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est une désengarnisation des anticorps. Tout simplement, vous avez le cellulaire qui est passé devant le bandos, le scaphoïde est fragmenté. Donc, c'est pour cela qu'on va parler de la fracture, de la luxation talence scaphoïde rétro-lunarienne. Vous savez que le trait de la luxation casser le scaphoïde et repasser derrière le cellulaire talence scaphoïde, donc à travers le scaphoïde, rétro-lunarienne. Ça, c'est une fracture complexe du point de vue, fracture luxation du point de vue. Okay, il suffit de réduire, la phase du scaphoïde. Là, sa partie elle est fixée sur le grand os. Là, elle est fixée sur le cellulaire. Il suffit de réduire le scaphoïde et c'est bon. Okay, et c'est très fréquent. C'est très fréquent. On la voit dans le stade. Le traitement conservateur qui garde toujours son utilité, jusqu'à 2007-2008, on met un plâtre complet avec toutes les complications des raideurs du poignet. Mmh. Et parmi les articulations du corps humain, le coude s'en rate rapidement. Moins de 15 jours, il commence la raideur. Vous avez le coude et le métacarpophalangien. Elles s'en rate rapidement. C'est pour cela, à travers les travaux de l'hiver, maintenant, ils vont uniquement un compatrié, c'est ici. On ne fixe jamais le coude au voisin, on voit toujours des patients qui viennent de sa famille avec une fracture, avec une formation radie. Radie, c'est ça que j'ai pas pris. Voilà, c'est un compatrié. Là, c'est le désarmement de Scotch Cast. Il est très léger, très esthétique avec le couleur, surtout pour les films à Iberg, le rose, le blanc, le rouge, ça vient. Il est vraiment léger, il est vraiment esthétique. Radio transparent, qui nous dit une immobilisation de 90 jours, donc au minimum, chaque mois, on va faire une radio. C'est pas la peine d'enlever la radio ou de faire une radio avec un plâtre qui est plâtre. Donc, c'est pas la peine, on ne voit pas la fracture, mais avec le Scotch Cast, on fait la radio sur un petit triclair, un transparent. Alors, pour combien de temps on va immobiliser un poignet de neurone, un poignet fracturé, le scaphoïde consolide presque à 3 mois. C'est entre 120 jours et 90 et 120 jours. Rigueur des complications, d'évolution, consolide de 3 mois. Parfois, on va passer à la rigueur du poignet, qui est récupérable. Parfois, c'est le cas vicieux du scaphoïde, et c'est à force de faire très manger du cas. L'axe d'approche du scaphoïde qui est une absence de consolidation de 3 mois, dans cette brade, instabilité du cap par des ligaments d'inventure et la nécrose. Pourquoi la nécrose? Alors, la fracture apicale, c'est pas toujours la nécrose constante, c'est des gens qui peuvent consolider facilement. Regarde la fracture apicale, mais quand même, après les mois, il a bien consolidé. Ok? Par miracle, c'est des gens qui présentent les fractures du scalp d'astragale, une nécrose. Un astragale complètement condensé, complètement blanc, on va dire qu'il y a une nécrose. Après 3 mois, 3 ans, il y aura une revascularisation. Alors, pour éviter d'aller et de venir à le stade de l'obstétrose, il faut examiner votre patient, demander des radios, traiter votre patient dans le délai normal. Sinon, ça sera l'obstétrose et la greffe directement. Là, c'est des différences aussi, vu que ça c'est au-dessus du nerf, vous pouvez voir l'application sur les différences aussi. Là, c'est une nécrose, pourquoi ? Tout seul du nerf, pourquoi c'est une nécrose ? Parce que c'est un grand niveau d'ancien. Bien sûr. C'est des fractures associées aux fractures de ce qui est la fracture de ce radius. Là, ils ont embranché le radius, ils ont laissé complètement ce qu'il y a. Du questionnaire, très fréquent par rupture, après un certain temps, après une fracture du scaphoïde, immobilisation, un mois, deux mois, trois mois après la guérison, le patient, la patiente est bien avec un kyste synovial. Ok ? Alors je pense que le traumatisme, c'était. Donc, la phrase, elle est vraiment fréquente. Diapo ? Synovial. Après trois mois, parce que la fracture du scaphoïde, elle n'est jamais presque isolée. Donc, avec une fracture du scaphoïde, la vision ligamentaire est calcinée. Et qui c'est le gaz, c'est quoi ? C'est la liquide, c'est le gaz intra-articulaire qui va traverser la brèche calcinaire et va s'enquister en circulant, tout simplement. Donc, l'orthopédiste, la limite, ça a créé le scaphoïde, la fracture, mais la lésion ligamentaire a passé et l'a percé. Donc, ça c'est les crosses, ça lâche, c'est le point de l'écrase ici, parce que c'est fracture apicale. Alors, traumatisme cadre définition, là c'est des fractures, luxation du cadre. Il ne faut jamais chercher. Si vous voyez une fracture qui l'a dit, c'est un, ça c'est une humiliation des fois. C'est une humiliation du similaire. Petite humiliation, donc similaire ici, là. Là, le similaire a gardé son frein en tenir, qui est toujours solidaire à l'articulation. Par contre, ici, le similaire a quitté complètement, l'œuvre. Et le traitement ici, c'est quoi ? Il faut complètement l'enlever, tout simplement, parce que c'est un os complètement détaché de sa vascularisation type 1 de gène de Van, et c'est quelque chose de micrométrique qu'on ne peut pas le situer. Donc, il faut les équilibrer. Il ne faut jamais se réparer. Exactement. Essayer de le réduire parce que ça ne sert à rien du tout. Alors, là, c'est un patient, vous voyez ici, c'est maillard aussi. C'est des patients, après 20 semaines, luxation du cadre, arthrose importante. C'est un patient qui a passé l'inaperçu. C'est une fracture luxation qui a passé l'inaperçu. Je vais faire ça sur le patient musculaire. Regardez ici. À l'âge, par méconnaissance de l'anatomie radiologique normale. Ok ? Là, sur la place, est-ce que vous voyez ce numéro ici ? On ne le voit pas. Il a perdu sa forme de travail. Donc, il est distribué. Là, il est complètement en antérieur. Luxé depuis 20 semaines. Donc, toutes les complications, la nécrose, vasculaire, avasculaire, la nécrose, etc. Qu'est-ce qu'on va faire chez ce patient ? Quel est le truc sur thérapeutique ? Enlever le scaphoïde. Enlever le scaphoïde. La première rangée. Donc, on va enlever la première rangée. Allez, c'est pour cela que j'ai, tout à l'heure, je vous ai parlé de mettre ça dans la tête. Donc, si on va enlever la première rangée, on va enlever le cellulaire et c'est le grand os qui va remplacer le dernier. Le bonhomme, avec un poignet comme ça, c'est un poignet fixé, pas de mouvement, de l'euro, etc. Après, résection de la première rangée. On va avoir une mobilité, ça va diminuer la force musculaire chez l'un, mais on va gagner sur le plan de l'autre et mobilité. Bien. Alors, intervention, c'est toute la première rangée. Hein. Vous suivez la première rangée ? Là, la première rangée, on va enlever en totalité. quel est devenu ce palais? Regardez, le grand os a remplacé le séminaire. C'est un poignet très très mobile, mais avec une dimension force musculaire. Voilà, regarde, la flexion, elle est conservée, l'extension, elle est conservée. Donc, c'est la diminution de la force musculaire. Non, n'oubliez pas votre sang. Parce que, sinon, douce, pour éviter toutes ces complications, vous devez avoir ça dans votre bouddha. Connaître l'anatomie. Pour avoir un tatouage qui est là. N'oubliez pas le scaphoïde. Ça va l'anatomie de l'anatomie superficielle, de l'anatomie descriptive, de l'anatomie archéologique du cas. Merci de savoir, Charlie. Bonne chance, Mitzan. Merci bien.